J'aime pas les critiqueurs, encore moins ceux qui critiquent les critiqueurs. Donc j'ai développé une attitude, chacun fait sa life. Ne me raconte pas tes salades. Non, non. Toi qui parles avec moi, c'est comme un gars qui fait du S et qui met du extra large. Extra large. Mon pote bouge avec sa rage. Quand je dis viens, on discute, il me dit viens, on lui baisse sa race. Prestance, égarisme, trop de projets qui arrivent. Bah les couilles que Didier ne veuille pas faire, je me carine. Chacun ses problèmes. Le top niveau, fuck, j'y suis. Les ouais. jeunes et les OG me suivent. Précision, horlogerie suisse. Expert en disquette. Je finirai seul dans un appartement. Je menais ma vie secrète. Mes premiers mots c'était des mensonges. Ouais, escrooms. Un 99L. L'entoure l'eau. Cœur et mon sang. Mon gun et mon plan. Pour m'endormir, je compte les sommes. Ouais. Je me réveille, je recompte les sommes. Paris Sud. Pour m'endormir, je compte les sommes. C'est ça. Je me réveille, je recompte les sommes. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. 7-5. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. Flingue et feu et flingue. Je me réveille, je recompte les. Je me réveille, je recompte les. Somme. Coucou jeune Yankli, on m'a prévenu que tu aimais l'art. Bellec, tu peux disparaître comme son couplet du MLA. Tout le monde veut remuer le passé sans penser à son engeance. La vengeance apporte la haine. La haine apporte la vengeance. Hey, si je peux faire mon truc, je raterai pas l'occasion. Pillage, la France c'est pillage. De gaz et gaspillage. Satan contre distribue, nous on mange directement. Tout pour ma tribu, tu dis pareil. Mais moi je dirais que tu mens. Jour pas sur ma tombe si je canne. Ces temps-ci je me calme. Dans les soirées, je passe mon temps à regarder les gens qui me regardent. La même, bro. Laisse-moi faire profil bas dans les ténèbres. Je n'en profite pas pour entrer dans les clubs select. Alors quand le style frappe, trouve-moi près de son épicentre. Trop de juice, trop de sauce. Derrière moi le sol est glissant. L'addiction est puissante, les ambitions est puissantes. Le bif, le cash, la maille. J'ai vécu avec et puissant ouais. Ni raccourci ni échelle pour signer le chèque. Je connais leur dossier, tu te demandes combien j'ai scié de chaises ouais. Et yo cette vie est chère et ne se remplace pas. Qui peut le faire mieux que nous qui à part lunatique hein en passe-passe. Apparnisé, futuristique, dissident, classique shit. À l'ancienne mais nous c'est flingue et feu ouais. Pour m'endormir je compte les sommes. Ouais. Je me réveille je recompte les sommes. Paris Sud. Pour m'endormir je compte les sommes. C'est ça. Je me réveille je recompte les sommes. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. 7-5. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. Flingue et feu et flingue. Je me réveille, je recompte les. Je me réveille, je recompte les sommes. Ma boisson est tiède, mon kebab est froid. Aujourd'hui on s'est vengé sur moi pour un type que mon équipe a fait froid. De toute façon c'est comme un songe. Alors où commençons? Y'a que la douleur qui ne ment pas quand tout le reste n'est que mensonge. Paris c'est loco, basket pour seul moyen de locomotion. Une bingo me soigne avec émotion. Mes commotions saignent dès qu'on monte sur scène. On oublie ça, ça nous bizarre. Des taches de bissap sur nos abyssales. Clash des cesses de nubissal. Le tout puissant n'est pas au-dessus de la tour Karine. Donc je viens pas jouer l'acteur qu'un riz. J'oublie pas qu'à mon tour qui arrive. N'attends pas qu'un mec trouve ton potentiel. Ouais. Un jour y'aura des coups de trompette dans le ciel. Beaucoup de compétences, trop blessures trempées dans le sel. Bien sûr je trouve les discours que j'écoute trop prétentieux. Ça pue et le troupeau t'enseigne qu'il faut tromper ton zen. Dans cette grande mise en scène de l'écran qu'il prétend saine. Et je ressens ce genre de regard que je déteste en reçoit. Le genre de gars qui te donne pour te dire quand est-ce qu'on reçoit. Je vois le diable en testarossa. La vie est un test à rassant. J'ai peur que mon destin ressemble à ce que mon intestin ressort. Ouais c'est clair qu'ils m'ont déçu. Ces cœurs qui mentent sans argument. Moi j'aime quand les choses simples provoquent le cœur qui ment des yeux. Quand j'ai mal, la lune est belle, ouais. Mais le soleil est éternel. Si je comptais ces moutons, je plongerais dans le sommeil éternel. Lui c'est, flingue, moi c'est, feu. On vient réveiller ta zone. Ouais, flingue ouais. Et feu. Pour m'endormir, je compte les sommes. Ouais, je me réveille, je recompte les sommes. Paris Sud. Pour m'endormir, je compte les sommes. C'est ça. Je me réveille, je recompte les sommes. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. 7-5. Je me réveille, je recompte les sommes. Pour m'endormir, je compte les sommes. Flingue et feu et flingue. Je me réveille, je recompte les. Je me réveille, je recompte les sommes. Ouais. Flingue et feu. Dans notre sang coulait la bièvre. 7-5.